the show. I'm free to get ready, now go-karts go. Where don't you step my blues way, choose. Where you can do anything but if my blues way, choose. Et là, tout le monde entend. But it's blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Well, you can do anything but lay off my blue sweat shoes. But it's blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Well, you can do anything but lay off my blue sweat shoes. C'est ce qu'on recherche hein, dans la musique, c'est une certaine spontanéité c'est ça, et amusement. Le smooth. Qu'est-ce que je sais pas, tu veux jouer dans autre, une autre dans le même registre. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir je sais pas, qu'est-ce que tu veux chanter? Ah bah je sais pas. Un truc de rock, qu'est-ce qu'on pourrait chanter Un standard. Un standard, ouais. Vrai, ouais. Chanter à deux. À deux Record de Pâques. Non, non, plus pour galère. Ouais, ou qu'est-ce qu'on pourrait chanter à deux Je connais des trucs comme. By the Frisco Bay, one low to St. Louis, down in New Orleans, all the guys on the way. Sweet little 16, sweet little 16, she just got to have about a half a million, famed author brand, and while it's filled with pictures, she gets them one by one. I'm so excited. Watch her look at her run. Well, they're rocking on the bandstand. We're the best of PA. They give a heart of Texas. Down by the Frisco Bay. Well, over St. Louis. We got a new Orleans. All the cats want to dance with. Sweet little 16. Little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, sporting high-heel shoes. But tomorrow morning, she'll have to change her trend. Be sweet 16, and back in class again. So you're walking in Boston, it's 38, he gives a heart of Texas. I'm out of Frisco Bay. All over St. Louis. We down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. All the cats wanna dance with sweet little 16. Yeah, yeah. All the cats gonna dance with sweet little 16. Vive le rock! Pas mal! Bravo! Hein, ça fait du bien! Ah, c'est fun ça! Hey, ben merci! Merci à toi Reynald, tu nous amènes du fun et de la régale! Ben ouais. Et on en a vraiment besoin! Et comme tu disais tout à l'heure, jouer dehors, c'est top! Ah ouais, jouer tout court, c'est top! Ouais. Jouer dehors, c'est vraiment génial! Et puis c'est génial de jouer ensemble! C'était mon ami Renaud Bernal et Paul Pechnard qui, cet été, toujours sur mon banc public, sur la rue des Abbesses, avons amené un cadeau musical, une harmonie exceptionnelle, captée uniquement par deux magnétophones numériques. Et là-dessus, j'aimerais, avant de partir dans mes délires, j'aimerais m'excuser infiniment pour le 1er, le 8, le 15. Et là, c'est pas les cartes, Mme Thibodeau. Là. Non, je sais pas. Les pitounes sont là, laissez les pitounes à... Elle est toute excitée. Elle dit, ça revient pas, on n'est pas parti. Mais c'est la cuvée 2016-2017. Là, vous pouvez être excitée, madame. Là. Bon, est-ce que vous pouvez lui changer sa couche pendant l'émission, s'il vous plaît? Oh, c'est 25 livres de pression, excellent. Alors, non, mais continuez, madame. Elle, on dirait que lorsqu'elle rit, là, elle sourit. Elle fait comme des spasmes. Et je crois qu'à chaque spasme, il y a quelques gouttelettes qui tombent. Mais je n'ai jamais vérifié. Je ne verrai jamais. Jamais je vais aller voir ça. Quoi qu'il faut garder de l'intimité. C'est le genre humain a besoin d'un certain... d'un petit côté secret. C'est son petit côté. Elle aime ça, ce côté-là. Bon, laissez-la vivre. On n'a pas pour longtemps. Elle est heureuse de même, la championne. Bon. Alors, nous éprouvions des problèmes techniques pour les émissions du 1er, 8, 15... C'est pas des bingos, madame. Criez-moi pas ça, là. Non, elle était prête encore. Oui, ben oui, madame, mais ça va, vous? Oui, allô? Oui, hey, on a des gens au téléphone. Nous avons un public ici insaisissable. Parce que j'essaie d'y toucher ses cris, ce monde. Hein? Je sais pas comment ça. Là, vous êtes à mon émission de 1. Vous êtes invité de 2. Vous êtes VIP. VIP, ça veut dire quoi? Vous ouvrez le frigo, madame, monsieur, mademoiselle. Mademoiselle, ouvrez les frigos quand vous voudrez. Oui, j'ai deux frigos, un frigo blanc et un frigo noir. Pas de racisme ici. Les autres couleurs arriveront plus tard. Plus tard. On voit que j'arrive de Paris. Je dis plus tard. Plus tard. Et monsieur de monsieur, madame de madame, mademoiselle, monsieur. Bon, et puis deux frigos. Servez-vous à soi. Vous êtes VIP. Fait qu'elle a arrêté de crier. Laissez-moi m'exprimer. Pendant 120 minutes, on a déjà écoulé quelques graines pour subsister jusqu'à la saison prochaine. Alors libérez-vous, désaltérez-vous et surtout, il n'y a pas de bingo là, OK, madame? Tranquillisez-vous le bonbon. Le bonbon, pas le pompon, le bonbon. Ben oui, le bonbon, vous connaissez le bonbon, madame? Oh, ben, là, ben oui, elle connaît. Ben j'espère à trois enfants, hein, madame? Ben voyons, elle s'en souvient encore. C'est merveilleux. Alors, nous éprouvions des problèmes techniques pour les émissions du 1er, 8, 15 et 22 juillet. Et c'était de ma faute. J'avais mal décrypté ces émissions-là et ça sortit malheureusement d'une manière assez exécrable. Mais, tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que c'était des invités qui méritaient d'avoir la qualité CD comme moi j'aime bien leur proposer lorsque je m'en vais les voir et que je recueille leurs propos. Donc pour moi, le cadeau que je leur fais, c'est... Ou peut-être je vous dis seulement un cadeau, là, je perds encore la tête. Là. Je leur ai demandé, vissez-moi ça à 360, tu sais, le creux de l'os, là. Sur les épaules, parce que ça passe souvent à sa tête, là. Point, point, comme dans le film, comment que ça s'appelle? Donc, Brazil. C'est-tu Brazil où Robert Williams là, se promenait dans les airs avec sa tête, puis le corps était au sol, il était en train de s'amuser avec sa madame. Sa madame Hussein? Musée? Non, elle était dans le musée. Il l'époustait, elle était vivante depuis 3000 ans. 3000 ans heureuse. Ah, mon Dieu. Elle chantait encore des chansons de Robert Charlebois. Avant que je parte, c'est déjà parti, mon champion. Ben oui. Alors, je m'excuse infiniment, là. C'est pas CKRL qui est le problème, là, c'est moi. Comme à chaque fois que les émissions sont percutées ou arrachées, ou c'est de ma faute. Alors, mais vous pouvez écouter tout ça dans sa version confortable, CD, musique bien... Comment? Bien capable de se défendre elle-même. sur mon site internet officiel d'Errance canadienne, parce que j'ai un site depuis quoi, 10-12 ans. L'émission existe depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, vous faites HTTP. Là, je sais qu'il y a des gens qui disent « Moi, là, t'es affaire de HPPP, là, je prends pas de drogue! » Ben non, je sais, c'est pas de la drogue, madame. C'est une adresse courriel. Non, c'est même pas une adresse courriel, c'est une adresse... C'est un chemin là, qui vous amène à un site. Donc oui, c'est une adresse. C'est un peu comme chez vous, madame. Vous restez à 12 de la Rose. Appartement 12. C'est pas pire, ça. Pas mal. Beau travail. Votre mari est poète. Et pompette. Ah, c'est la même chose. Pompette, poète, là. Tu passes par le pompette pour arriver. Ah, normalement, c'est ça. Pompette et poète. Les poètes qui sont pas pompettes... pas intéressant. Tu lis ça, là, puis on m'a dit, les oiseaux gazouillent, les oiseaux scintillent, et je résille du pied. Ah, mais là, il résille du pied, là, ça résille du pied, tu dis, ah ben, oh! Peut-être qu'il prend pas un petit temps, mais il y a des petites affaires qui passent dans la tête. Là, c'est intéressant, c'est pour ça, là. L'important, c'est d'intéresser, de sortir de l'ordinaire. C'est important! Arrête de dire ça, le mot. Là, pour tes QV 2016-2017, arrête de dire important. Alors, je vais vous annoncer mon adresse. Mon adresse. Cybernétique, voilà, c'est ça. HTTP, comme je vous ai dit, c'est pas de la drogue. 2. Double basse. Je viens d'en perdre 3-4. Voyons, je connais pas la musique, mais c'est 12 bases de droite. Non. On y va calmement, OK? 2/. C'est pas une nouvelle bière, madame. 2/, là, c'est... Vous savez, quand vous... Pas... Non. Vous êtes agricultrice, vous. Bravo. Hey, ben moi, là, je suis très admirateur devant les gens qui se réveillent avant le cri de la poule. Je vous serre la mâchoire et puis je vous dis bravo, continuez votre travail. Alors, vous savez les poteaux? Hein, vous avez des poteaux pour préserver les vaches, là, pour les garder dans un enclos? Bon, mais les poteaux, si vous les penchez un petit peu, ça fait comme des slash d'ordinateur, OK? Comme des slash. L'ordinateur n'a pas de slash, mais le clavier a des slash. En français, ça doit être slash encore. Arrête, ça me travaille dans le slash, moi. Là. Je plie, je plop, je slash. Alors, c'est comme si c'est des poteaux qui gardent les vaches, mais qui sont couchés vers la droite. C'est pour ça que ça me dérange un peu, le slash, moi. J'aime mieux quand c'est couché vers la gauche, mais c'est quoi? C'est des quoi? Barre slash. En tout cas, 2 barres slash. Madame, on vous a acheté 2 barres slash. Pas slack, slash. Ah oui, c'est ça. Ah oui, merci. Hey, ça vient de me revenir. Ça me revient. Ça, mon dos. Ah, j'étais à la radio. Oh, mon dos. Non. J'ai pas mis mon dentier. C'est pas vrai. T'en as. On t'entend pas galoper de la verdouille. Bon, alors ça veut dire que t'as mis tes... En tout cas, t'es ancré. On sait pas avec quoi, mais t'es ancré. Ancré. En créer une? Non, ben, on peut pas créer des dents. On aimerait bien ça, créer des membres que l'on n'a plus. Ça serait bien. On serait peut-être plus heureux. Là, il y a un vent qui passe dans le micro. C'est tout à fait normal. Là. J'ai mis des ventilos parce que je vis un moment de ma vie, là. L'andropause. Ah, non. À 22 ans, as-tu l'andropause, toi? Mais moi, j'ai été tout le temps dans ma vie. Je vais vous expliquer un peu. Dans ma vie, on s'en foutu de ta vie. Mais hey, calmez-vous. Insultez pas le micro. Hein? Restez calme. Les ondes de CKRL sont frétillantes. Heureuses de vous accueillir. Puis je sens sur les... Puis moi, je sors souvent quand mon émission est diffusée parce que je peux m'écouter puis me voir en même temps, moi. On peut pas faire ça à la maison, non. Ça demande beaucoup de pratique. Beaucoup de manque intellectuel et beaucoup de pratique à oublier ce qui se passe. C'est une autre histoire, ça aussi. Fait que là, tu sors puis tu regardes les fils. Pas d'Hydro-Québec, là. Les fils audio qui passent dans le firmament. Puis tu vois très bien et très clairement les ondes de CKRL. Pourquoi? De un, elles sont les plus lumineuses. Lumineuses. Salut. Écoute, avec ça, là, à cette heure-ci, minuit 20, là, éclaire le Québec, ça éclaire la francophonie et ça éclaire l'éclair. Ça éclaire, mais quand ça éclaire l'éclair, c'est assez clair. C'est plus que clair, là, c'est comme éblouissant. Quand c'est éblouissant là, en photo, on appelle ça quoi? On appelle ça, hein? On appelle ça une photo, mais qui est trop claire. OK. Alors, www, les poteaux, OK, toujours les vaches à Roger. Connaissez-vous les vaches à Roger? Faudrait pas que je vous raconte ça, là. Vous avez le goût? Ah, mais regarde-moi ça, on est dans une soirée où hein, les gens cherchent à... Je vais vous raconter les vaches à Roger, parce que je crois que depuis que je fais cette émission-là, je n'ai jamais parlé des vaches à Roger. Roger Gagné. C'est vrai, lui, là. Roger Gagné existe. C'est le frère de mon père. Roger Gagné, là, a vécu bien des affaires dans sa vie. Bien, bien, comme la majorité des Québécois, là. Mais des trucs, là, c'est un gars qui a vécu 1000 vies. Puis qui est encore vivant. Puis qui est heureux. Qui va souvent à l'hôpital parce que... Il aime bien les infirmières, là. T'sais, hein, Roger, oh là là! Et Roger a eu beaucoup d'aventures. En aventure, de train en train, de port en port, encore jamais, je te le jure, j'ai pu oublier ton corps. Il y en a vu des corps, lui. Des corps vivants, des corps morts, des presque morts, puis... C'est un gars qui aimait la vie, là. Tu sais, qui aime encore la vie, mais c'est un, hein, bon. Mais qui doit être dans l'admiration devant la beauté féminine actuellement, là. Il a, ah, oh, ouais, c'est bon, c'est bon. Puis écoute, s'il y a du plaisir là-dedans, tu regardes, puis si tu joues intellectuellement, c'est déjà de la jouissance. La jouissance, c'est pas juste physique, ça peut être intellectuel. Imagine-toi le caissier, là. Qui est là devant une belle demoiselle. Penses-tu qu'il y a une jouissance physique? Non, il y a une jouissance intellectuelle. Il la voit, mais... Oh, c'est beau. Mais c'est pas toujours... C'est... Les gens vont dire, ah, surtout... la femme objet. C'est pas la femme objet. Quand tu regardes une peinture de Rembrandt, quand tu regardes une peinture de Mozart, excuse-moi, c'est parce que Mozart, c'est pas un peintre. Hey, regarde, Mozart a fait de la peinture dans son temps mort, là. Tu sais, quand il faisait deux croches noires, quand c'était trop noir, là, il prenait son pinceau, il se l'imbibait dans sa peinture musicale et il nous créait des pom pom pom pom. C'est pas Mozart, ça, c'est Beethoven. Hey, vas-tu me lâcher, toi? Il est fatiguant, ce gars-là, là. Alors là, il va vous expliquer. Ah, Roger, ben, l'histoire de Roger, c'est vache. C'est que, bon, il y a beaucoup de conquête. Là, c'est très misogyne, ce que je vais vous dire, là. Mais c'est pas moi, là. C'est Roger. Là. Quand il voyait des vaches dans des enclos, « Ah, regarde-moi ça, hein, c'est comme mes femmes. » Puis là, nous autres, là, quand on passe en voiture, puis qu'on voit des bêtes qui nous offrent du lait à volonté, puis qui travaillent très fort, malheureusement, pour nous, les humains, qui jetons Nous jetons le travail de nos animaux qui se donnent sans le savoir pour nous. Donc, il faut respecter tout ce qui vient de l'animal. Et si on est amoureux de la viande, on sait très bien ce qui se passe pour l'animal. Donc, le respect est de savourer, de jauger la qualité et surtout de jauger la quantité. Et de ne pas gaspiller, parce qu'il y a des bêtes qui sont mortes. Et il y a des vaches qui ont travaillé très fort pour nous offrir ce lait. Ça, c'est mon côté éthique. Éthique et politique. Philosophie. Cégep. Limoilou. 80... Quelle année? Oh! Ça, c'est la cuvée! C'est la cuvée! Je sais pas, là. C'est... Je peux pas... J'ai déjà nommé des philosophes, même pas des philosophes, des professeurs de philosophie. C'est pas parce que t'es professeur de philosophie que t'es philosophe, il me semble. C'est intéressant à savoir, là. Est-ce qu'un professeur de philosophie, envoyez-moi un courriel à Rénal Québec, puis là, gênez-vous pas. Je vois des gens, là, qui, je t'ai écouté, puis j'avais des idées à t'envoyer, puis tu me disais, tu m'envoyais des flashs, puis je voulais pas t'écrire, parce que, ben voyons donc. Si tu veux que je te réponde, tu me laisses un petit mot. Si tu veux pas que je te réponde, tu me dis « Ne rajoutez rien, la cour est pleine. » Fait que si la couche est pleine, je rajoute rien. Écoute, on va attendre qu'il la change, puis après ça, on verra. Ça fait que... Écrivez-moi à Rénal Québec, RYNALDQUEBEC, à commercial, hotmail.com, Rénal Québec, hotmail.com. Bon. Est-ce que les professeurs de philosophie sont des philosophes? Ben, ils ont une formation en philosophie, oui. À mon humble avis, puis ça, déjà là, c'est bizarre ce que tu dis là. Parce que si c'est humblement, c'est pas ton avis. À mon avis, un professeur de philosophie, ben, c'est un philosophe. Parce qu'il y a quand même une maîtrise, un bac brun, un bac vert, puis un bac, c'est quoi? Vert, brun, bleu. Ben oui, le recyclage, c'est bleu. Et puis donc, si vous éprouvez des problèmes, j'ai éprouvé, moi, c'est pas vous, madame, là, prenez pas ça, vous allez consulter, consultez pas. Relaxez-vous en nous écoutant. Eh, voyons donc, je pompe depuis 2h15. Eh, c'est bien, on est en onde depuis 26 minutes et 25 secondes. Qu'est-ce qui était avant? Ah, mais je m'attendais à vous entendre, hein, fait que je m'autopompe. Oh, elle s'autopompe. Il y en a du monde qui saute aux pompes. Qui saute aux pompes aussi. Je m'en fumais une cigarette en faisant le plein. Pouf, donc, vous faites... C'est mieux, hein? Autopompez-vous. Et moi, j'aime ça, du monde de même. Parce que de un, ça élimine les crétins parce que les cornichons sont pas tous dans les pots. Ça se promène partout. J'en ai vu des cornichons, moi, pendant mes vacances. Autant à Paris que je suis allé à Magog. À Magog. Je suis parti à Magog après. De Paris à Magog. Imaginez-vous, j'arrivais le samedi. Comment ça va? Ça va bien? Oui! Les enfants ont fini leur bac. OK. Mais arrête le bac. OK? Concentre-toi. OK. Je suis concentré. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis arrivé à Québec le samedi de Paris et le dimanche. Je suis parti à Magog faire du camping. Camping. Camping, là, c'est comme aller vers la nature. Puis moi, je pense que ça faisait 40 ans que je n'avais pas fait du camping. Disons, on va mettre 35. 35 ans que je n'avais pas fait de camping. Là, Mme Thibodeau va dire, « Mais oui, mais hey, mon petit gars. Oui, mon petit gars. C'est moi. Mon petit gars, comment ça va? Ça va bien, vous? Ah, ça va très bien. Mais c'est bizarre, tu dis 35 ans. Pourquoi? Parce que t'en as 32. Oh, vous êtes gentil, madame. Ouais, mais je t'aime bien, mon petit gars. Oh! Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de là, c'est de voir là, ce soir quelqu'un. Hein? Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Tididam, tididam, tididou. Alors, tu vois, moi, vous le dire l'adresse. HTTP, 2 points. Les vaches, là. Pas les vaches, à Roger. Mais je vais avoir du courriel. Ils vont me dire, vous êtes un... Ah, mais c'est pas moi. Mais c'est une histoire que je vous ai racontée. Mais il y a des gens que vous rencontrez puis que avec qui vous vivez, malheureusement, parce que ça peut être votre belle-sœur, votre oncle, votre grand-père, votre arrière-grand-père, qui se trouve misogyne. Mais moi, Reynald Gagné, je ne le suis pas. Je ne le suis point. Je suis perdu. C'est comme... Non, on ne le fait pas. Alors, triple... non, il n'y a pas de triple. On ne trippe pas là-dessus. C'est HTTP. Vous allez tripper en voyant le site Internet, là. Parce que c'est tripatif, comme disait Languérin. HTTP, 2 points. Les bords de l'enclos des vaches, là, penchés vers la droite. errancerénaldienne.blogspot.ca. Mais, plus simplement, vous allez sur goggle.fr. Pas CA, FR. Vous rentrez errance, espace rénaldienne. Le premier site, vous allez voir, c'est errance... attendez, errance... Hé, mais t'as plus de mémoire? Non. Alzheimer. C'est pas une blague, je ne m'en souvenais plus. C'est errance Alzheimer, c'est pas celle-là. Celui-là. Ensuite, vous allez voir CKRL, errance rénaldienne. C'est pas celui-là non plus, mais c'est l'émission qui annonce En fait, c'est le site qui annonce mon émission. Et si vous cliquez en bas, là, ça devient compliqué. Mais le troisième, là, c'est Blogspot. C'est simple. Hein? Mais quoi, tu vas aller me coucher 3 semaines, m'en revenir après, me essayer de me contenter de ce que je peux pas avoir parce que là, ce soir, j'ai la mal à tendresse. Oh non, non, écoutez, je voulais commencer par cette chanson-là, puis je crois que je vais terminer par celle-là. On commence, on finit, puis on verra, on verra. Je reviendrai voir mon Reynald dans un grand Boeing bleu de mer. J'irai bien de revoir l'hiver et ses horreurs boréales. Dans son cas, c'est « et ses horreurs sérénales ». J'ai besoin d'un amour à la guine, à moi C'est pas ça. J'ai besoin de cette lumière, descendu droit du Labrador, et qui fait neiger sur l'hiver, des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai voir mon Reynald, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval. Ou les vaches de Roger. Ah non, c'est les chevaux, les chevaux, les chevaux. Hey, aujourd'hui, on doit être... Je me suis informé des professeurs à Paris. Est-ce que ça existe encore, des chevaux? Mais on a-tu pas les petits, les gauches, mais en fait, le cheval moyen, là, celui que tu peux monter... Est-ce que la langue française, l'office de la langue française, ça c'est au Québec. Bon. Mais est-ce que l'Académie française, est-ce que l'Académie française a autorisé les chevaux? Selon une dramaturge que j'ai rencontrée à Paris cette année, dans ma cuvée 2016-2017, elle m'a dit que non. Mais moi j'ai dit que oui. Je reviendrai voir mon Reynald, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux voir le long des airs des rues qui n'en finissent pas et qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre. Mais à l'origine, quand j'ai entendu ça, je croyais qu'il disait, mais pour son... Oui, à l'époque où il avait acheté sa bière, il disait « Je veux revoir le long désert, des rues qui n'en finissent pas. » Non, c'est pas là. « J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque bière. » Mais à l'origine, c'est « mourir au fond de chaque pierre. » Pierre, c'est le temps de vacances, ça c'est Pierre Lalonde, on va s'amuser, c'est le temps de vacances, un beau jour pour s'aimer. C'est pas mon imitation de Pierre Lalonde, c'est juste une chanson que Pierre Lalonde a faite. Et jaillir au bord des toits, comme des glaçons de bonbons clairs, comme des bonbons. Au glaçon clair, je reviendrai voir mon Reynald dans un grand Boeing de bleu le mer. Je reviendrai voir mon Reynald me marier avec l'hiver. Il chante plus. Me marier. Me marier. Avec Vanilla d'Arsa, Vanilla d'Arsa, Vanilla d'Arsa. Oh oui, madame, oh oui. Oh oui, madame, oh oui. Oh oui, madame, oh oui. Monsieur. Monsieur le Président. C'est sérieux, là. On arrête les incertitudes intellectuelles. On devient cartésien. On retrouve le plancher des vaches. Les vaches à Roger. Hein? Fait que là, ce que tu vas passer devant un enclos. Dans les enclos, il y a juste des chevaux, il y a des vaches, il y a quoi? Il y a tous les animaux que tu veux. Tous les animaux que dans ta tête, là, tu peux voir. Même que ceux que tu... On invente des fois, surtout les enfants. Hey, les enfants, pourquoi perdre notre âme d'enfant? Pourquoi l'enfance doit-elle se dissoudre? Intéressant, là. Parce qu'un adulte, là, on doit pas dire « Hey, ouais, OK, devant ta copine dans l'intimité, à 22h15, tu fais « Oh! Rénal, veux-tu qu'on chante cette couche? » Tu sais, ça peut être plaisant. Des jeux. On appelle ça des jeux érotiques, là. Quoi, t'as jamais changé la couche de ton chum, toi? Ah, Suzette. Voyons donc. Ah ben. C'est bizarre, ça. Parce que normalement, il se passe des affaires, là, dans ces événements. Puis surtout, les gars, là, si votre blonde étudie en sciences de la santé pour être infirmière, ou auxiliaire infirmière, mais infirmière ou infirmière bachelière, là, vous pouvez vous pouvez servir de cobaye. Oui, ma blonde, il y a quelques années, là, elle étudiait pour être bachelière, infirmière bachelière. J'ai fait plein de rôles extrêmement intéressants pour moi, qui est comédien amateur et qui, dans la rue, zigzague à travers le succès très, très, très, très intime, pour ne pas dire succès underground, hein, parce que je m'enfonce souvent dans le succès. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je mange beaucoup de secrétaires. Oh, à 450 au four. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques. Alors aujourd'hui, on doit dire pas trop catholique parce que l'émission se veut, hein? Machiavel, il y a des enfants qui cherchent des Machiavel, des allulivés d'Émis, Machiavel, et dans le soir où les médias, il y a Machiavel, tu as fait Machiavel. Et vous, chers résidents et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne, Machiavel. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Fring! Avec QV 2016-2017, là. Je reviens, là. Ils m'ont parachuté, comme à chaque fois. Puis là, j'ai vu le 405, 3e avenue. J'ai dit, hey, c'est CKRL! Hey, c'est vrai, je reste pas là. Fait que là, j'ai mis du gaz. Du gaz, quand t'es en parachute, ça gaze pas fort, là. C'est un gaz presque imaginaire. Mais je me suis dirigé quand même vers chez moi. Parce que là, vous vous demandez où reste l'errant rénaldien? Ben, je reste chez nous. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, c'est pas le jour de l'an, là, mais c'est le 19 août. Première émission de la QV 2016-2017. Ils savaient! Arrête de répéter, ils savent! C'est pas des gens qui sont coincés du savoir, là. Ils ont les portes ouvertes. Fâche-toi pas, toi. Il a besoin de repos. Il a besoin de vacances, ce gars-là. Aujourd'hui, le vendredi 19 août. 19 août. Il y en a-tu des fois, le 19 août? Plus il y a de fous, plus on rit! Madame Thibodeau! Plus il y a de fous, plus on rit! Mais oui! Voyons donc! Oui! Les errances renadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous emplumer, hein? pour nous emplumer, faut mettre du caltor sur le corps et ensuite balancer les plumes pour que ça colle. Donc, en juillet 2016, Réré, le dégénéré, le trouble fête de CKRL, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là à Paris pour rencontrer Vanilla Darsa, qui était auparavant au cours Jean-Laurent Cochet, qui a fait des études en psychologie à l'Université d'Aix à Marseille. Elle a perdu l'accent, mais elle n'a jamais perdu l'intelligence et surtout la fébrilité intellectuelle. J'ai eu un plaisir fou. Nous nous coucherons sur sa voix et sur ses mots. La preuve, après la musique. Le jazz, c'était mieux avant. Les voitures, c'était mieux avant. Les jeunes, c'était mieux avant. Les clips, c'était mieux avant. Les disques, c'était mieux avant. Les animaux, c'était mieux avant. La poste, c'était mieux avant. Les communistes. La scoliose, c'était mieux avant. Noël, c'était mieux avant. Nos corps, c'était mieux avant. Mon cul, c'était mieux avant. L'air, c'était mieux avant. Et l'océan, c'était mieux avant. La pub, c'était mieux avant. Les pépitos, les ampoules électriques, les films en noir et blanc, la qualité des tissus, la blancheur de mes dents, l'Amérique, le Mexique, les jukebox, le loyer, les motos, la Trabant, Paul Vaillant, couturier. La baguette, c'était mieux avant. Le franc, c'était mieux avant. La France, c'était mieux avant. La guerre, ta ta ta ta. Les photos argentiques, les amplis à lampe, les effets analogiques, les pochettes de disques, la presse satirique. Ma meuf, c'était mieux avant. Les manifs, c'était mieux avant. New York, c'était mieux avant. Les anarchistes, c'était mieux avant. Les opinels, c'était mieux avant. Les groupes de rock, c'était mieux avant. Du tronc. Les guitares, c'était mieux avant. Le temps, le rock'n'roll, c'était mieux avant. Paris, c'était mieux avant. Les vents passent, c'était mieux avant. La radio, c'était mieux avant. Les alternatifs, fromage, les meubles, pollution, France-Allemagne, coucou. Les années 50, boire, mon slip, les visites médicales, l'Irak, ta sœur. Thank you. cabine, ça monte assez rapidement. Ça ne devrait pas prendre des heures, mais je suis bien obligé d'entendre la musique d'ascenseur. Je me dis j'ai du temps pour aller me faire couper les cheveux. Il n'y a presque personne, j'entrais des bonjour aux deux vieux. Ils ont les cheveux courts, ça ne devrait pas prendre des heures, mais je suis bien obligé d'entendre la musique du coiffeur. J'arrive dans la grande surface, mais à peine entré dans les murs, les décibels s'étalent sur le rayon à chaussures. Je coince la bulle bien au chaud quand d'un seul coup un son brutal des enceintes publiques nous signale une grande quinzaine commerciale. Ici c'est pas du surgelé, toutes leurs pizzas sont faites maison. On est servi assez vite en écoutant les quatre saisons. Sur mon lit à roulette pour l'intervention médicale, j'essaie de me détendre mais y'a de la musique d'hôpital. Un avion, partir dans un autre pays. Je boucle ma ceinture, il vérifie les vis-à-vis. Le décollage est imminent quand d'un seul coup les transistors se mettent à cracher de la musique d'aéroport. Stop! Bonjour Renard. Bonjour Vanilla. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très. Non, on se tutoie. On se tutoie. Et toi? Ben voyons. Ben ouais, très bien, merci. Il y a le petit chien. Oui. Il s'appelle Samy. Mais tu veux pas être assise ici? Je vais bien. Bah parce qu'à côté du micro, c'est peut-être mieux. Ah d'accord. Non? Bah si. Hein. Ok, c'est une bonne stratégie. Hein. Non, mais c'est irréfléchi. Ça fait 2 heures que je prépare le micro. Donc, Et puis comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Excellent. Ouais, excellent. Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va toujours très bien. On est gonflé à bloc. On est ouais, j'ai vu. Ça tourne, hein? Ça tourne, c'est bien. Les tourneurs veulent tourner, c'est bien. Oui, exactement. Ben, essaye de tourner, c'est pas évident non plus de tourner. Mm-hmm. Il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui veulent. Qui veulent et qui ne peuvent. Qui s'y brûlent, ouais. Alors, je vais quand même commander un café. Ah, moi. Oui. Bon, je vais y aller. Oui, c'est vous. J'ai complètement oublié. J'ai une orange pressée, un café, un verre d'eau. Ouais, c'est ça. Café allongé. Allongé. Mmh. Pour une fille debout, les cafés allongés. Oh, là, mais. On voit la place. De procéder à l'information. Alors, tu viens du sud? Ouais. Ben oui. Oui. Mmh. Et toi, tu viens du Québec, je crois, oui, bien. Exactement. D'accord, ça s'entend. T'es à Paris pour combien de temps? Jusqu'à samedi. Ah, d'accord. Je suis toujours ici pendant 8 jours. D'accord. À chaque année. Ok. Donc, au mois de juillet. Première semaine, premier vendredi du mois de juillet et je repars le deuxième samedi du mois de juillet. Donc ça fait 8 jours exactement. D'accord. Étrangement, avant de devenir comédienne, tu as fait des études à l'université en psychologie. Ouais, c'est ça. Pourquoi en psychologie? C'est tes parents qui te forçaient à faire quelque chose? Oui, d'une première partie. Et puis oui, avant de passer du côté artistique, en fait, j'ai commencé à me poser des questions sur quelle est la base des conflits, je dirais, psychologiques, quoi. Voilà. Entre individus ou avec soi-même? Avec soi-même, surtout. Okay. Parce qu'après, entre les individus, c'est juste un problème d'incompréhension, quoi. Voilà. Puis là, puis en plus, ça s'en va dans la sociologie. Donc, ouais, voilà, exact. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a amené, ces cours de philosophie, parce que t'as pas terminé? De philo ou de psycho? Psycho, excuse-moi. Ouais, j'ai fait de la philo aussi, donc okay. Tu te trompes pas. Bah, c'est parce que la philo... Qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené quelques idées. Quelques idées, mais pas plus, quoi. Des parce que t'as arrêté trop tôt, tu t'es... Ouais, j'ai arrêté trop tôt et j'ai fait une année, ouais. Seulement. Mais c'est difficile aussi. Ouais, il y a beaucoup de sciences. Ouais. Mais il y a beaucoup d'études. Ouais. Beaucoup de travail, beaucoup de lectures, beaucoup de... Puis, Le cadre de l'université, c'est pas... Sur les 500 dans l'amphi, j'ai là, tu dois écouter un prof qui, heureusement, dans le meilleur des cas, nous fait rire. Mais sinon... c'est difficile, quoi, de rester... Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être en avant, toujours. J'ai besoin qu'on me voit, j'ai besoin... Donc, je faisais des trucs en amphi qui étaient presque inacceptables, quoi. Et effectivement, tout le monde me connaissait. Mais les profs disaient que c'est un peu moyen, quoi. Surtout à l'université. Surtout à l'université, il faut pas foutre le bordel, quoi. Parce que sinon, on te dit... Pour et puis, ils payent en plus. Ouais, très cher. Chez voilà. Nous, c'est très cher, ici, c'est un peu moins cher. Ah ouais, chez vous, c'est très cher, là-haut. C'est pour ça qu'il y a eu une manifestation il y a quelques années. Le printemps érable. Tu n'as pas transporté. Le printemps arabe? Érable. Le printemps érable. Ah non, c'est un clin d'œil au printemps arabe. Ouais, ouais, bien sûr. Ben, c'est... J'ai entendu parler de ça. Exact. Oui, vous êtes, en fait, vous avez le système américain, je crois. C'est ça, non? Ouais. C'est ça, ouais. Donc, c'est quand même assez cher. Puis en même temps, ben, c'est peut-être un plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je crois pas que c'est parce que t'es bourgeois que tu dois faire des études. Au contraire, non, je crois pas. Mais ça va au mérite. Le gouvernement devrait donner des bourses aux méritants et aux camps. Il y a d'autres boulots. C'est là qu'après la première année, tu t'es dit, ben, j'amuse mes confrères, mes contemporains. Pourquoi pas amuser un public et en faire un peu d'argent? Oui, c'est ça. Ouais. Mais comment ça s'est... Est-ce que ça s'est passé comme ça ou s'il y a des proches qui t'ont dit « Ben écoute, essaye de zuter au niveau... » Non, les proches m'ont jamais vraiment dit... Ça fait quand même longtemps que je fais du théâtre. Mais on a toujours su que... Moi-même, j'ai toujours su que j'avais un profil théâtral. Et donc, les copains le savaient. Mais ils savaient que j'en étais consciente, donc ils ne venaient pas me dire « Allez, fais du théâtre !» Parce que c'était mon choix, je le savais. Et un beau... Complètement, mais au jour le jour, quoi. C'est-à-dire que j'ai tellement d'énergie que si je fais pas du théâtre, je fais une connerie dans la ville, quoi. Tu vois. Voilà, il y a des jours comme ça où il faut que j'improvise de la poésie, où il faut que je me mette dehors surtout. Quand les gens m'inspirent beaucoup ou activent mon cœur, activent mon inspiration. Et il faut que je fasse quelque chose, une activité d'art de rue, quoi. Il faut que je fasse une performance, absolument, ouais. Mais ça, c'est sans que le public soit préparé, puis sans que ce soit conscient. Merci. Je vous en prie. De la part du public, ouais. Tu veux dire? Ouais. C'est comme ici, tu peux t'arrêter à la bouche du métro et commencer à faire ta tirade. Ouais. Mais c'est pas facile, hein. C'est sûr que c'est pas facile. Mais en même temps, t'es pas rémunéré pour ce genre de truc-là, c'est juste pour ton bien-être personnel. Non, ouais, voilà, c'est ça, t'es pas rémunéré. Et puis en plus, moi, j'ai des parents bourgeois et ils m'ont dit chaque personne doit avoir un minimum d'argent pour vivre, quoi. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec ce truc-là, mais il faut bien que je fasse quelque chose pour gagner ma vie. Donc finalement, je gagne ma vie et puis... T'as un boulot alimentaire. Ouais, j'ai un boulot alimentaire. Et parallèlement, j'écris des pièces de théâtre, je travaille à la littérature, je rencontre des artistes et je fais Est-ce que je peux. Est-ce que tes pièces sont jouées? Il y en a une qui va être jouée pour la première fois à Toulon, dans un festival artistique organisé par ma meilleure amie. Ah, ok, donc c'est... C'est privé, voilà. Et donc, c'est pour voir un peu comment le public va réagir face à cette pièce de théâtre. Est-ce que c'est une commande ou c'est... Non. J'ai jamais eu de commande. Non. Je suis pas connue des éditeurs, je suis pas connue... C'est ta copine qui t'a dit j'aimerais bien que tu nous prépares quelque chose parce que je... Oui, ça c'est clair. Oui, il faut absolument qu'il y ait quelque chose de moi, quoi. Ça, c'est sûr, ouais. Mais ça, c'est les tout débuts, là. Ouais, vraiment. Et comment tu appréhendes ça ou comment tu vois ça, ce nouvel enfantement? Je vois ça comme un premier accomplissement et la promesse d'énormément de travail. Énormément de travail. Et là, ton texte est fini, là. Oui, terminé, là. Peut-être que je vais écrire la suite parce que c'est une pièce en un acte. Donc pour un théâtre de Paris, je pense pas que ce sera passable. C'est une trentaine de minutes. Quinzaine de minutes. Voilà, donc c'est très court. Voilà. Deux. C'est un huis clos entre deux personnages, en fait. Non, deux hommes. Une figure paternelle et une figure plutôt évasive, naïve. Ça, c'est un côté psychologique, universitaire. Peut-être, ouais, peut-être. La persona, peut-être. Peut-être. Mais t'essaies pas d'analyser. C'est pour ça que tu dis peut-être. Je crois que c'est ça, ouais. Mais t'essaies pas d'aller plus loin encore. T'es pas. curieuse de savoir d'où ça part. Ouais, je sais très bien pourquoi j'ai écrit ce texte, ça c'est sûr. Je sais exactement quel esprit a fait naître ce texte. Quels sont les esprits qui ont fait naître ce texte. Voilà. Mais lorsque tu écris, je ne sais jamais si c'est un texte de 15 minutes ou de 3 ans. Non, on ne sait pas. Non, enfin... Puis à un moment donné, quand tu vois qu'il n'y a plus rien à dire, bon. C'est ça. Comme... Oui, la chute vient. Mm-hmm. Mais ce qui est difficile pour moi en ce moment, c'est que j'écris sans chute. C'est-à-dire que je pourrais écrire 24 heures sur 24. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Les formes ont disparu. Un peu comme Eric Rammer. Oui, c'est ça, écrire sans cesse, etc. Des dialogues, des rêves, des... comment dire, donc... de l'observation urbaine, amoureuse. Oui, c'est ça, on observe toujours la vie. Est-ce que tu es du genre... Es-tu le genre de fille à provoquer une action pour voir comment tu te comportes, histoire d'enrichir les écrits que tu vas éventuellement faire sur un sujet? Oui, je suis du genre, mais assez dangereusement. Et du coup, je me suis dit que certaines choses que je voulais vivre réellement, j'allais finalement les vivre par la littérature, parce que c'est trop dangereux. We are champions. Fréquence rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. И вот столкнулись в сентябре, когда она мне показалась лучшей феей на земле. Я бегал как дурак за ней, как за синицей воробей, но воровать не бросил хоть, она была всего важней. И каждый день ее я ждал у школьных сереньких дверей, и каждой ночью утопал в воспоминаниях о ней. Во сне я слышал ее смех и вспоминал порой не раз, когда я на глазах у всех ей объяснялся в первый раз. Ее папаша был ментом и часто говорил о том, что он не хочет больше видеть, как я захожу к ним в дом. Но как тогда я мог понять, что с дочкой мне нельзя гулять, чей папа мент, а с мусорами встречи надо избегать. И он как будто просто так нагрянул с красными в кабак, а мы гуляли и не знали, раскололся наш земляк. С ним раскололась жизнь моя, ушел этапом в те края, в которых только лишь во сне приснится милая моя. И понял я, что здесь пройдут все мои лучшие года, и что назад не позовут, а не вернутся никогда. Душой и телом постарел я здесь уже за 8 лет, на скорый поезд рейсом в прошлое мне не достать билет. И даже через столько лет я снова вспомнил тот куплет из своей песни, что писал ей перед домом на земле. Ее я имя не забыл, и адрес тот, который был важнее своего, которому дорогу позабыл. Перед ее подъездом я в последних числах сентября стоял промокший до костей, свою судьбу благодаря, что шанс мне подарила вновь увидеть давнюю любовь. От приближения нашей встречи в груди моей кипела кровь. Дождь песни грустные поет, навстречу фраер мне гребет, а с ним под ручку незнакомая мне девушка идет. И тихо говоря привет, берет озябший мой букет, и заходя в подъезд мне говорит: ты Миша или нет? Dangereux, on a des esprits qui nous habitent, qui pourraient faire n'importe quoi, sans vouloir être trop pudique, des crimes, des folies vraiment quoi. Et donc je préfère que ça se passe en littérature, mais après c'est sûr qu'il faut avoir une sacrée imagination, et l'imagination c'est aussi la réalité qui la donne. Donc est-ce que je fais le premier pas en réalité, ou est-ce que je ne fais seulement ça que dans les mots? Je crois que la solution, c'est les mots, parce que ici, dans la réalité, il y a la prison, il y a les flics, il y a la sécurité, tout ça, c'est pas possible, quoi, de vivre vraiment ce qu'on veut vivre. Mais en même temps, il y a quelques écrivains qui, en écrivant, le vivent entièrement. Voilà, c'est ça que je cherche, c'est ça qu'il va falloir trouver. Que t'as pas encore trouvé? Que j'ai trouvé un peu, mais qui va venir, quoi. C'est mon plan, voilà. J'ai beaucoup de choses à faire. Pourquoi? Parce que ton écriture n'est pas encore assez précisée? Non, elle n'est pas encore... Oui, voilà. Mon style n'est pas encore bouclé. Je suis jeune, donc je considère avoir beaucoup de travail, surtout si je veux m'inscrire historiquement, philosophiquement. Je ne peux pas écrire comme ça. Tu te vois comme quelqu'un qui... Ah bah, il faut, quoi. Il faut. Tu es obligé, si tu veux vraiment écrire, vraiment être quelqu'un, tu dois t'inscrire dans l'histoire. Crois-tu que François Sagan voyait ou... Non, peut-être pas, mais peut-être que François Sagan était plus doué que moi et elle en avait moins la conscience. On m'a inspiré ces idées, hein. Je ne les ai pas trouvées toutes seules. On m'a dit, il faut que tu saches. Non, c'est un metteur en scène pour qui j'ai travaillé, j'ai été comédienne, ouais. Qui m'a dit, il faut que philosophiquement, surtout dans la poésie, philosophiquement, Parce que François Sagan écrit des histoires. Moi, j'écris très peu d'histoires. J'écris pas des histoires. J'essayerai le roman, peut-être. Mais j'écris pas d'histoires. J'écris de la poésie. J'écris. Même les personnages, c'est poétique. Si c'est pas une histoire, c'est très abstrait, quoi. Très spirituel. Ouais. Donc écrire des histoires, c'est plus intemporel. Alors qu'écrire de la philosophie et parler du monde. Sur scène, surtout. Sur scène, en plus, ouais. C'est encore plus hermétique. Très hermétique, ouais. C'est ça le problème. Voilà. Donc il faut essayer de se brancher avec la philosophie ou avec la poésie d'un autre. Ou... Essaies-tu de mettre un peu de ventilation dans un propos aussi, aussi abstrait? C'est-à-dire un peu de rire, un peu de... Pour l'instant, j'essaye pas, mais c'est peut-être une bonne idée, ouais. Pour pas être trop lourd. Ça va faire partie du travail. Non, mais ça vient de Truffaut, ça vient pas de moi. Truffaut disait, pour qu'un film soit réussi, il faut mettre des ventilations, il faut faire rire le public. Puis un film n'est pas réussi au complet, il y a juste des fragments d'un film de réussi. Un film complet, selon lui, c'est impossible. Ouais. Il dit, je peux pas parler d'un film quand il est bon, je peux uniquement parler d'un film lorsqu'il est mauvais. Il critique des films mauvais, il critiquait des films mauvais, pas des bons films. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux décrire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que je veux écrire? Qu'est-ce que je veux raconter? Vaste sujet. Ben oui. Très vaste sujet. Ben oui. Alors premièrement, j'ai une poésie qui est très très alchimiste. Donc premièrement, il y a cette poésie qui a des choses à dire, qui est là, que je ne cherche pas effectivement. Au contraire du récit qui coule de source. Voilà, exactement. Au contraire de mes personnages qui ont besoin de trouver un scénario, un contexte, une vie. Et là, il va falloir construire pour eux, pour les faire vivre. Et ça va être plus difficile. Parce que je sais quelque part ce qu'ils veulent vivre, mais qui est-ce qu'ils vont rencontrer, où est-ce qu'ils vont être, qu'est-ce qu'ils vont dire, ça va être difficile. Peut-être, oui, je... Pour comment tu penses ça? Ça, c'est des personnages qui sont là, sans mots, qui sont là de corps, au cinéma, pas au théâtre, mais ça peut être au théâtre aussi, au cinéma, l'année dernière à Marienbad, et ils cherchent la parole, cherchent le mot, mais c'est pas important, ils sont là, donc ils regardent à l'extérieur, ils se promènent dans la pièce, donc il n'y a pas de discours, donc tout est dit dans le silence, dans la quête de la recherche du mot, c'est très contemplatif. En même temps, c'est pas un cinéma qui... C'est très fonctionne. Contemplatif, et puis en même temps, il faut que le personnage soit lui-même contemplé. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu comme une écriture voodoo, c'est-à-dire que tu essaies de trouver quelque chose, la source, l'énergie, ou le fil qui va faire jouer les personnages, qui va réagir le personnage. Vivre, réagir, oui, exactement. Donc c'est pas facile, et puis ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on a des personnages en soi, et puis on se dit, il faut que je me dépêche, parce que vont-ils disparaître, quoi? Et si un jour je me retrouve sans Édouard, qui est mon personnage principal, ou... Dans les pièces de personnages? Non, il existe, j'ai écrit une seule fois pour lui, mais il est là depuis un certain temps. Non, c'est un personnage inventé qui réside chez moi, enfin en moi, quoi, chez moi. Il faut que j'écrive pour lui, mais je sais pas trop. Je sais exactement ce qu'il veut vivre et de quoi il est composé. Mais il faut que je me dépêche, quoi, parce qu'il faut pas qu'il s'en aille. Oui. En même temps, ce qui te plaît, c'est de jouer ce rôle-là. Ah oui, complètement, de c'est jouer sûr. Jouer le rôle qu'un personnage qui t'attend, qui est un ami qui imaginaire. Qui me séduit, en plus, c'est ça qui est excellent. Un ami quoi. Imaginaire qui est là et qui attend que tu... Que je me bouge le cul pour lui faire une vie. Que tu le courtises. Que je lui... Absolument, oui. Ce qu'il veut, c'est être courtisé. Absolument, oui. Ouais. Oui, on et a toi, parce t'es comme que... un peu la gamine qui est là et qui sait pas quoi faire et qui tourne autour un peu pour faire ça. La charmante et quel mot utiliser, quel vêtement mettre, comment se placer. Ouais, mais des fois, c'est rigolo parce que des fois, il intervient dans la vie courante, quoi. Donc je vais discuter avec une femme qui va m'accorder certains propos et puis il va dire ça c'est pour moi quoi. Alors il le prend à son compte. Puis je sais que ça va ressortir quand je vais écrire pour lui. Alors c'est quelqu'un que t'amènes avec toi et qui communique avec toi même si qui communique avec toi lorsque les gens te parlent ou lorsque tu te promènes. Ouais. Il te dit ah ouais. As-tu vu la moto? Oui absolument. Oui, c'est ça, exactement. Donc on pourrait dire plus humblement que c'est une partie de ma personnalité. Mais comme j'ai une sorte de schizophrénie créative, absolument, oui. Mais comme je suis rentrée dans le théâtre, j'ai créé l'absorption de certains personnages. Donc c'est devenu des personnages plus qu'un simple côté masculin ou féminin. Quoi. Il y a vraiment quelqu'un derrière qui a un nom, qui a un âge, qui a une histoire, des volontés, des désirs, des difficultés. Et qui vit en soi, qui vit dans l'anonymat, qui vit dans l'invisibilité. Absolument. Et puis des fois, je me dis... Qu'il n'y a pas beaucoup de personnages dans l'invisible que l'on ne voit pas et qui se promènent. Oui. Et qui nous choquent sans qu'on s'en rende compte. Et quelquefois, on sent quelque chose, on ne sait pas c'est quoi. Ou on voit du coin de l'œil, puis on se retourne, mais il n'y a rien. Alors peut-être qu'ils peuvent venir de l'invisible au visible et repartir aussitôt. Ouais. C'est un jeu entre eux. De passe-passe entre le réel et l'irréel. Ah, c'est difficile cette question du réel et de l'irréel. Hein. Oh là là. Bachon l'a parti un peu ce propos-là. En disant quoi? En chantant. La chanson L'Irréel. L'Irréel. Ah, il faut que je l'écoute cette chanson. C'est dans son troisième album avant la fin. D'accord. Et l'album complet est un album contemplatif. Je suis sûr que tu as des personnages qui vont se placer sur une chaise et qui risquent de l'écouter avec toi et te dire leurs commentaires. Ça peut être très, très jouissif pour toi. Il y a des choses qui peuvent arriver. OK. Peut-être. Ça peut être intéressant, mais barre ta porte. Laisse pas entrer des étrangers visibles. Non, mais j'accueille qui veut, surtout s'il y a une femme qui veut se marier avec Edouard. Pourquoi ce serait pas toi? Ben si, c'est moi, quelque part. Ouais, bien sûr que c'est moi. Pourquoi tu l'as appelé Edouard? J'en sais rien. Okay. Alors là, aucune idée. Mais par contre, j'ai un autre personnage qui est une femme. Donc je sais exactement ce qu'elle veut vivre, mais elle n'a pas de prénom. Donc là, c'est difficile, quoi. Éventuellement. Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour qu'on m'enferme ici pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Il y a des jours où j'oublie qui je suis et où je suis. See you. je vis ma vie en voyage organisé. Vide, tendez-moi la main. Rêve et ravin, règle nos moulins, cale nos chagrins. Le temps écrit sa musique sur des portées disparues, et l'orchestre aura beau faire pénitence. Un jour j'irai vers l'irréel, tester le matériel, voir à quoi ça donne la madone. Un

j'ai fini ma journée. Je dors devant la télé. Les programmes sont pas variés. Y'a des variétés avariées. Blablabla, ça fait un bruit de fond. Blablabla, ils chantent tous la même chanson. Blablabla, je suis comme un con. Blablabla, même plus la force de couper le son. Donc c'est une dame qui veut écrire des poèmes pour la description des alcools forts. Le whisky, tous les genres de whisky, tous les genres oui, de rhum, etc. À propos du vin, voilà, exactement. Décrit, voilà. Donc je crois qu'elle veut, elle veut voyager dans le Nord. Picoler. Elle veut picoler ou déguster parce qu'elle n'a pas envie de se, de déchoir de son 31, donc il ne faut pas non plus trop qu'elle picote. Ok, c'est une bourgeoise. Oui, c'est une bourgeoise. Oui, c'est une intellectuelle. Bourgeoise, c'est une intellectuelle bourgeoise, oui. Et donc je la vois très bien, mais je ne connais pas son nom. Peut-être que c'est un autre personnage qui va lui donner, je ne sais pas. Je ne connais pas encore son nom. A-t-elle un canif ? Je sais qu'elle est là, qu'elle est très tendre. Oui. Elle est sans violence. Elle n'a pas encore bu, peut-être qu'après... oui, après qu'elle ait bu, elle sera très violente, peut-être. Elle, mais fais attention à Edouard, elle risque, il risque de partir. Mais ils sont pas du tout en communication. Okay. Mais ce serait intéressant de les faire se rencontrer, peut-être. Ouais. Peut-être avec, avec l'absorption de l'alcool. Je trouverais, si c'est rigolo parce que je ressens comme, vraiment comme ça. Si je les faisais se rencontrer, j'atteindrais peut-être la pierre philosophale ou le. Ou ça, ça pourrait devenir un Julie Jim, c'est-à-dire trois personnes, une liaison à trois. Oui, toi par exemple, et les deux. Oui, ouais, par exemple. Oui, ce serait... Mais les délires, est-ce qu'ils t'amènent à un moment donné à l'écriture, au fait de mettre en scène, de placer cet imaginaire-là sur papier? Ou si tu restes rêveuse et tu promènes avec Edouard sans trop le laisser? Alors, j'ai déjà posé la question à Edouard. Par exemple, la dernière fois, il m'a dit on était dans le métro, enfin, j'étais dans le métro, et puis il me dit. Vous savez ce petit blason Ralph Lauren là où il y a deux cavaliers, je crois. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, j'étais moi-même et puis d'un coup je me dis tiens je vais invoquer Edouard. Donc comme j'invoque Edouard, je vois d'autres choses que quand je suis Anaïs. Est-ce qu'il vient à chaque fois lorsque... C'est moi qui l'invoque. Okay, okay. C'est moi. Après quand je vois quelque chose et je sais que ça lui plaît, je sais que c'est pour lui. Mais il peut m'arriver de lui demander de venir à moi et donc je vois la vie différemment. Et donc je vois ce blason Ralph Lauren et là j'entends, je veux une chemise ou une cravate Ralph Lauren. Alors je dis d'accord, mais tu la veux en littérature ou tu la veux en vrai? Il a dit comme tu veux. Donc c'est là qu'il est très bon ce compromis entre la littérature, l'imagination et le réel. C'est que ce soit dans l'un ou dans l'autre, comment dire, c'est positif, c'est vrai. Et ça, c'est très bon, quoi. Parce que du coup, ça enlève les problèmes d'argent, ça enlève les problèmes de la matière, ça enlève les problèmes du fait de trouver la chose, etc. Donc, et déjà, là, trouver la chose, il faut trouver les mots pour trouver la chose. Aussi, ouais, il faut trouver les mots pour trouver la chose. Au même titre qu'il faut trouver le magasin pour trouver le vêtement. Mm. Donc, il faut chercher, il faut errer, il faut tenter de... Ah oui, tu penses qu'il y a une balance entre le réel et... Ben oui, parce qu'il faut... Ça doit être ça, oui, certainement. Parce que c'est bien beau vouloir quelque chose, que ce soit à travers les mots ou que ce soit physique, mais arrivons-nous toujours à le trouver? Les femmes, les filles vont le samedi acheter des boutiques, des fringues, ils reviennent, j'ai fait tous les magasins, j'ai rien trouvé. Au même titre que le romancier essaie de cherche le mot pour amener son propos et il n'y a rien qui se passe. Donc, dans les deux cas, on a bossé pour rien. Ben, on n'a pas bossé pour rien, mais on a bossé et on n'a rien trouvé. Oui. Alors, je pense qu'il y a deux caractères d'écriture. Il y a l'écriture qui écrit un peu sans soi, sans toi, Écriture automatique. Écriture automatique, ouais. C'est ça, écriture automatique. Où c'est toi qui vas après chercher le sens, alors que le sens est déjà matière. Et puis il y a l'autre écriture, le travail de création, etc., de recherche de la matière par les mots, où tu as le sens, mais c'est toi qui dois créer la matière. Donc c'est un peu, voilà. Il faut faire un alliage des deux, je pense. Éventuellement, as-tu comme objectif de faire un travail à deux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors j'ai une anecdote très bonne. Hier je me baladais pour aller au cinéma, rue de la Gaîté. Et puis je vois un jeune homme avec un chapeau, enfin je le vois pas, mais il accoste un autre monsieur en costume. Et il me dit, tiens, c'est marrant. Et moi je passe et je dis, ah oui, c'est marrant, c'est très drôle. Alors donc c'est moi qui réagis alors que ça devait être l'autre. Alors il se retourne vers moi et il me dit, madame, dans vos yeux je vois qu'il vous manque quelque chose. Je lui dis, écoutez, celle-là on me l'a déjà faite. Il me dit, non, il vous manque mon livre. Je lui dis, ah bon, il me manque votre livre? Il me dit, oui, je vous le vends 20 euros. Je lui dis, vous l'avez? Il me dit, oui, montrez-le-moi. Donc je l'ai là, voilà, sous la jupe du tigre. Okay. Et donc j'ai acheté son livre 15 euros et je devais aller au Club des Poètes le soir. Et je suis restée avec lui plutôt que d'aller au cinéma. Et finalement, j'ai rencontré un écrivain comme ça qui m'a vendu son livre, quoi. Et donc il a appelé son autre copain qui lui aussi était poète. Ça faisait deux jours qu'il était en jeûne pour rester dans l'euphorie. Je lui dis, mais tu peux rester dans l'euphorie de la création. Je lui dis, mais est-ce que tu n'es pas obsédé par ton conditionnement? Il me dit, si. Puis finalement, il a bouffé de la crème brûlée parce que j'avais cassé son délire, quoi, par intelligence, quoi. Donc j'avais mon club des poètes, je l'avais déjà, quoi. Mais j'ai rencontré un écrivain comme ça. C'était un film. Donc je connais ce jeune homme maintenant et j'aime bien ce qu'il écrit. Ça ressemble un peu à Calaferte. Okay. Il a un Tonio qui ressemble un peu à Édouard, qui a à peu près le même caractère. Je crois que c'est un Édouard Tonio, c'est le personnage un peu mafieux qui hante l'air du temps, je crois. Et donc pourquoi pas écrire avec lui un jour, voilà. Pourquoi pas, effectivement. Alors vous êtes remis vos numéros? Oui, numéros. Enfin, j'ai le numéro de l'auteur à l'intérieur du livre. Ça c'est un bon moment de c'est génial. Ouais. Donc pas de quatrième de couverture, mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça compte donc. Ouais. Alors il faut y croire. Ouais. Et c'est ça qui vous plaît. C'est ça qui vous plaît. Quelqu'un qui en plus c'est un addon que tu aies lancé cette tirade-là. C'est parce que t'as, sans savoir, tu as frappé à la bonne porte. Exact, oui. Exact. Et c'est bon, quoi, parce que même quand on quitte le monde un peu magique de la littérature, qu'on se met à bosser dans un bistrot ou dans une banque, on a toujours soi qui est toujours là. Et tu utilises les mots, donc voilà. Tout est littérature. Exactement. Ouais. Mais ça vient pas de moi. Je crois que ça vient de Jean-Paul Sartre. Ah oui? Ouais, tout est littérature. Tout est littérature, oui. Je regarde. Comme tu n'en vis pas et que tu travailles, le temps manque pour le côté artistique de ta personne? Ben, faut trouver, quoi. Un peu, bien sûr, mais... Ah, je vais te relancer sur une phrase que tu m'as dit. Est-ce que tu veux coucher avec Pauline Croze? Mais oui, pourquoi pas? Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te... Je la trouve charmante et puis j'aime beaucoup ses chansons. J'aime beaucoup la liste des choses que je veux faire avec toi. Et cette chanson a marqué une relation que j'ai eue avec une fille très poétique aussi. Tu es homo ou sexuel? Ouais, j'aime beaucoup les femmes. Et donc voilà, quand j'ai vu Pauline Croze, machin, et puis qu'on avait un rendez-vous, j'ai pas hésité à balancer un truc un peu comme ça, exubérant, voilà. Mais surtout... C'est mon type de femme. Oui. Un peu garçonne, un peu Melody Nelson. Un peu garçonne, un peu coquelicot, quoi. Ouais. Moi, j'ai une fascination pour la femme coquelicot, quoi. Un jour, j'espère j'écrirai un roman ou en tout cas un recueil de poésie adressé à la muse qui s'appellera la femme coquelicot. J'ai longtemps et encore aujourd'hui été hantée par cette fleur, quoi. En même temps, ça a été ma première obsession. Un break de batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange.

tout de suite on lit, ça peut être bien, etc. Mais travailler le style pour faire plaisir aux gens, pour pas qu'ils se disent oh là là, c'est de l'homosexualité, ça fait chier tout le monde, etc. Quoique, non, c'est beaucoup plus apprécié de femmes que de hommes. Oui, effectivement. L'excitation est. Oui, et plus dense, ouais, ouais, la sensibilité, le plaisir de se donner, etc. Mais je me souviens d'une question que je m'étais posée quand j'étais plus jeune. Je me disais, mais il y a toujours des chansons pour les femmes qui aiment les hommes, et puis il n'y a jamais de chansons pour les femmes qui aiment les femmes. Enzo, oui, effectivement, c'en est une. Effectivement. Alors, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai écrit des chansons pour les femmes qui aiment les femmes, quoi. Et puis, je continue. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique ? Oui, je joue un peu de guitare. Un peu, mais surtout de la voix. C'est plus la voix, mon instrument. Ouais. Alors, tu caches la médiocrité de ton style, guitaristique, par ta voix un peu plus. Exactement. Ouais. Est-ce que tu vas chercher dans les aigus ? Oui, je peux aller chercher dans les aigus. J'ai pris quelques cours d'opéra qui m'ont fait énormément de bien. Où j'ai chanté du Vivaldi, oui. À l'époque où je prenais des cours de théâtre au cours Cochet de Paris. Oui. Et du coup, j'ai découvert une possibilité vocale qui m'a fait énormément de plaisir. Quoi. Mais tes cours de théâtre, est-ce que tu les as terminés aussi ? Oui, je les ai terminés. C'est assez libre comme durée d'apprentissage, okay. En fait. Donc, c'est presque des cours de soir. Oui, c'était quand même les cours du matin. C'était les cours du matin, mais c'est comme les cours du soir. Okay. Oui, c'est dur. Okay. Alors, tu pouvais bosser le soir. Oui, voilà, il fallait bosser la journée, mais ça a été très difficile, quoi. Ça a été très difficile. Comment ? Combien ? On était à peu près 70, quoi. Chaque jour, dans un grand théâtre. Est-ce qu'il y a un suivi de ces étudiants-là ? Est-ce que tu les vois ? Est-ce que tu oui. Les suis ? Oui, je les suis. À quel niveau Malheureusement. Malheureusement, quoi. Ouais, ben, parce que 60 personnes ne peuvent vivre. Non, mais si vous voulez, il y a 60 personnes, et puis il y en a certains qui sont là depuis 2 semaines, et puis il y en a certains qui sont là depuis 10 ans. Voilà. Donc il y a des gens qui ont 70 ans, 60 ans, 50 ans, 20 ah, okay, ans, 10 ans. Voilà, c'est pas 10 ans, parce qu'il faut quand même être majeur. Mais un retraité peut être là. Ah, c'est bien, et c'est ça qui était très enrichissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans les écoles habituelles, première année, deuxième année, troisième année, ou la deuxième année, on ne dit pas ce qu'on dira dans la troisième année, on a envie de dire, mais pourquoi tu me frustres de l'information, puisque je suis là et que je vais payer toute l'année. Non, tout le savoir était donné à chaque seconde. Donc on peut rester tant qu'on veut, 10 ans, 4 mois, 5 mois, 8 ans. Donc 5 mois m'ont suffi. Et alors, il y a eu un suivi, effectivement. Il y en a certains qui étaient là depuis 2 ans, qui ont créé une troupe de théâtre. Donc je suis allée les voir jouer au théâtre de l'Actéon, etc. Bon. Et puis c'est très bien, quoi. C'est très Est-ce bien. Que tu as cette recherche-là, cette troupe Peut-être. Mais je l'ai déjà, ma troupe. Ah oui, mais c'est... Ah oui, je l'ai déjà, ouais. Je l'ai déjà. Non, je sens pas dans mon futur une troupe. Je sens un duo de marionnettistes avec Anna de Montgolfier, qui est celle qui organise le festival de artistique à Toulon cet été. Et donc je ressens ça, oui. C'est beau des marionnettes, c'est beau. Et surtout, tu peux leur faire dire qu'il y a une grâce dans la marionnette. Ah oui, oui. Vraiment... Kleist a dit des choses très belles sur la marionnette. Il a dit des choses très belles, au contraire du danseur qui ne peut soulever ses pieds de la terre. Au contraire, la marionnette le peut. Donc, elle est d'autant plus aérienne. Et puis, elle peut aussi se coucher sans douleur. Alors, elle est aussi très terrienne. Donc, c'est beaucoup de possibilités dans la marionnette. As-tu la double vie de Léonie ? Non. Non. C'est un film de Kieslowski. Oui. Tu connais Kieslowski ? Un peu, oui. Et tu regarderas ce film exceptionnel. La double vie de Léonie. Ok. Et les marionnettes sont là. Il y a une jeune fille qui trouve son dos sans savoir. Qui est ailleurs. Avons-nous un double sur la planète, on ne sait pas. Elle l'a trouvé. Tu as un double, toi, tu penses? Moi, j'ai plus que des doubles. Mais moi, je les ai trouvés, sont en moi. Donc, d'accord. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est un film tellement incantatoire. La musique, les Sauvage, mais c'est du Kislowski, c'est du génie. Oui. Tu vas adorer. Irène Jacob est formidable. La musique est incroyable. C'est 2 heures de jouissance et j'ai jamais joué autant. 2 heures de jouissance. Je l'ai vu pendant une quinzaine de fois. Ah, d'accord. Ouais, en salle. D'accord. Sans parler de mon DVD. Donc, alors, une quinzaine, donc tu l'as vu 30 fois, puisque c'est la double vie de... plus que ça, oui. Et j'ai rencontré le réalisateur. Non, pas le réalisateur. Le producteur. Et ils ont longtemps hésité pour placer comme titre la double vie d'Héronique. Ça faisait trop pornographique. Ah, d'accord, oui. C'est vrai qu'on croit un peu... Mais ils l'ont quand même placé comme priorité. Donc, ça a donné le titre. Et ça colle tellement bien. Tu vas voir, je crois que je t'ai donné une belle clé. D'accord, très bien. Hey, j'ai 10 questions, puis toi, une fille de moi, j'ai hâte de voir où ça va nous aller. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oh, si j'étais un liquide, je serais. Je serais un excellent whisky. Ah ouais, je serais un whisky. Ouais. Ah ouais, je serais un whisky. Un whisky ou un armagnac. Quelque chose de brun. Qui rappelle la terre sur laquelle se pose la mer aussi et qui se retire et quelque chose de brun, le oui. Va-et-vient. Le va-et-vient, oui. Et puis fréquemment du whisky ou jamais assez? Pas fréquemment, mais lorsque j'ai envie de passer une soirée assez artistique ou une bonne soirée, je prends un whisky, effectivement. Mais en l'honneur de François Sagan, oui. Bien entendu. Oui. Mais est-ce qu'avec le whisky, tu crées un protocole? Ah oui, un peu, oui. Oui, c'est certain. C'est certain, il y a toujours... Oui, c'est whisky égale action poétique, quoi, forcément. Ou charme, ou séduction, ou... Oui. Pas égale boire, aussi, ouais. Peut-être, brûlante, soirée... Oui, voilà, oui, c'est ça. Si tu étais une ville... Si j'étais une ville... Ouh là là. Si j'étais une ville... Oh, je serais une station balnéaire, je pense. N'importe quelle ville, mais une ville au bord de la mer, oui. Si tu étais une langue... Une langue? Ah, si j'étais une langue, je serais le latin, je pense. Les racines. Les racines. Et une très bonne phrase sur le latin, je ne sais plus qui a écrit ça. La mort est tellement vieille... qu'on lui parle le latin. J'adore cette phrase. Je sais pas de qui. Je sais pas, ça doit être Cocteau ou un gars comme ça, quoi. Oui, c'est génial. Si tu étais une époque. Une époque? Oh, je serais. Si j'étais une époque, je serais. J'hésite un peu entre deux époques. Non, je serais l'époque de Louis XIV, ouais. Ah ouais. Pour la violence des différences sociales. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. T'es droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu paierais? Cultrice ou patricienne? Féministe ou la ferme? Soit t'es macho ou soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel? Mécréant ou terroriste? T'es veuche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu? Rien du tout ou de tout de suite? Du tout au tout, indécis. Ah, tu changes d'avis, imbécile. Mais t'es où tout de suite? Flamand ou allemand? Bras ballant ou bras long? Mais finalement, t'es raciste? Mais t'es blanc ou bien t'es marron? Hein? Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais.